Le Lys dans la vallée, chapitre 7. Je sortis par la petite porte d'en bas qu'elle m'ouvrit. Au moment où elle l'allait fermer, elle la rouvrit, me tendit sa main en me disant « En vérité, vous avez été bien bon ce soir. Vous avez consolé tout mon avenir. Prenez, mon ami, prenez. » Je baisai sa main plusieurs reprises. Et quand je levai les yeux, je vis des larmes dans les siens. Elle remonta sur la terrasse et me regarda encore un moment à travers la prairie. Quand je fus dans le chemin de Frapesle, je vis encore sa robe blanche éclairée par la lune. Puis quelques instants après, une lumière illumina sa chambre. « Oh, mon Henriette, me dis-je, à toi l'amour le plus pur que jamais aura brillé sur cette terre. » Je regagnais Frapesle en me retournant à chaque pas. Je sentais en moi je ne sais quel contentement ineffable. Une brillante carrière s'ouvrait enfin au dévouement dont est gros tout jeune cœur et qui chez moi fut si longtemps une force inerte. Semblable au prêtre qui par un seul pas s'est avancé dans une vie nouvelle, j'étais consacré, voué. Un simple « oui, madame » m'avait engagé à garder pour moi seul, en mon cœur, un amour irrésistible, à ne jamais abuser de l'amitié pour amener à petits pas cette femme dans l'amour. Tous les sentiments nobles réveillés faisaient entendre en moi-même leur voix confuse. Avant de me retrouver à l'étroit dans une chambre, je voulus voluptueusement rester sous l'azur ensemencé d'étoiles, entendre encore en moi-même ces chants de ramiers blessés, les tons simples de cette confidence ingénue rassembler dans l'air les effluves de cette âme qui toutes devaient venir à moi. Combien elle me parut grande, cette femme, avec son oubli profond du moi, sa religion pour les êtres blessés, faibles ou souffrants, avec son dévouement allégé de chaînes légales. Elle était là, sereine, sur son bûcher de sainte et de martyr. J'admirais sa figure qui m'apparut au milieu des ténèbres, quand soudain je crus deviner un sens à ses paroles, une mystérieuse signifiance qui me la rendit complètement sublime. Peut-être voulait-elle que je fusse pour elle ce qu'elle était pour son petit monde. Peut-être voulait-elle tirer de moi sa force et sa consolation, me mettant ainsi dans sa sphère, sur sa ligne au plus haut. Les astres disent quelque hardi constructeur des mondes, se communiquent ainsi le mouvement et la lumière. Cette pensée m'éleva soudain à des hauteurs éthérées. Je me retrouvais dans le ciel de mes anciens songes et je m'expliquais les peines de mon enfance par le bonheur immense où je nageais. Génies éteints dans les larmes, cœurs méconnus, sainte Clarisse Arlot, ignorée, enfants désavoués, proscrits innocents, vous tous qui êtes entrés dans la vie par ces déserts, vous qui partout avez trouvé les visages froids, les cœurs fermés, les oreilles closes, ne vous plaignez jamais. Vous seuls vous pouvez connaître l'infini de la joie au moment où pour vous un cœur s'ouvre, une oreille vous écoute, un regard vous répond. Un seul jour efface les mauvais jours. Les douleurs, les méditations, les désespoirs, les mélancolies passées et non pas oubliées sont autant de liens pour lesquels l'âme s'attache à l'âme confidente. Belle de nos désirs réprimés, une femme hérite alors des soupirs et des amours perdus. Elle nous restitue, agrandit toutes les affections trompées. Elle explique les chagrins antérieurs comme la soulte exigée par le destin pour les éternelles félicités qu'elle donne au jour des fiançailles de l'âme. Les anges seuls disent le nom nouveau dont il faudrait nommer ce saint amour, de même que vous seuls, chers martyrs, saurez bien ce que Madame de Mortsauf était soudain devenue pour moi, pauvre, seule. Cette scène s'était passée un mardi. J'attendis jusqu'au dimanche sans passer l'Indre dans mes promenades. Pendant ces 5 jours, de grands événements arrivèrent à Clochegourde. Le comte reçut le brevet de maréchal de camp, la croix de Saint-Louis et une pension de 4 000 francs. Le duc de Lenoncourt-Givry, nommé pair de France, recouvra 2 forêts, reprit son service à la cour et sa femme rentra dans ses biens non vendus qui avaient fait partie du domaine de la couronne impériale. La comtesse de Mortsauf devenait ainsi l'une des plus riches héritières du Maine. Sa mère était venue lui apporter 100 000 francs économisés sur les revenus de Givry, le montant de sa dot qui n'avait point été payée et dont le comte ne parlait jamais malgré sa détresse. Dans les choses de la vie extérieure, la conduite de cet homme attestait le plus fier de tous les désintéressements. En joignant à cette somme ses économies, le comte pouvait acheter 2 domaines voisins qui valaient environ 9 000 livres de rente. Son fils devant succéder à la pairie de son grand-père, il pensa tout à coup à lui constituer un majorat qui se composerait de la fortune territoriale des 2 familles sans nuire à Madeleine, à laquelle la faveur du duc de Lenoncourt ferait sans doute faire un beau mariage. Ces arrangements et ce bonheur jetèrent quelques baumes sur les plaies de l'émigré. La duchesse de Lenoncourt à Clochegourde fut un événement dans le pays. Je songeais douloureusement que cette femme était une grande dame, et j'aperçus alors dans sa fille l'esprit de caste que couvrait à mes yeux la noblesse de ses sentiments. Qu'étais-je, moi, pauvre, sans autre avenir que mon courage et mes facultés? Je ne pensais aux conséquences de la restauration ni pour moi ni pour les autres. Le dimanche, de la chapelle réservée où j'étais à l'église avec monsieur, madame de Chessel et l'abbé de Quélus, je lançai des regards avides sur une autre chapelle latérale où se trouvaient la duchesse et sa fille, le comte et les enfants. Le chapeau de paille qui me cachait mon idole ne vacilla pas, et cet oubli de moi sembla m'attacher plus vivement que tout le passé. Cette grande Henriette de Lenoncourt, qui maintenant était ma chère Henriette et de qui je voulais fleurir la vie, priait avec ardeur. La foi communiquait à son attitude je ne sais quoi d'abîmé, de prosterné, une prose de stature religieuse qui me pénétra. Suivant l'habitude des cures de village, les vêpres devaient se dire quelque temps après la messe. Au sortir de l'église, madame de Chessel proposa naturellement à ses voisins de passer les 2 heures d'attente à Frapelle au lieu de traverser 2 fois l'Indre et la prairie par la chaleur. L'offre fut agréée. Monsieur de Chessel donna le bras à la duchesse, madame de Chessel accepta celui du comte. Je présentai le mien à la comtesse et je sentis pour la première fois ce beau bras frais à mes flancs. Pendant le retour de la paroisse à Frapelle, trajet qui se faisait à travers les bois de Saché, où la lumière filtrée dans les feuillages produisait sur le sable des allées ces jolis jours qui ressemblent à des soirées peintes, j'eus des sensations d'orgueil et des idées qui me causèrent de violentes palpitations. « Qu'avez-vous ? » me dit-elle après quelques pas faits dans un silence que je n'osais rompre. « Votre cœur bat trop vite. » « J'ai appris des événements heureux pour vous, » lui dis-je, « et comme ceux qui aiment bien, j'ai des craintes vagues. Vos grandeurs ne nuiront-elles point à vos amitiés ?»« Moi ? » dit-elle. « Encore une idée semblable, et je ne vous mépriserai pas. Je vous aurai oublié pour toujours. » Je la regardais en proie à une ivresse qui dut être communicative. Nous profitons du bénéfice de lois que nous n'avons ni provoquées ni demandées, mais nous ne serons ni mendiants ni avides. Et d'ailleurs, vous savez bien, reprit-elle, que ni moi ni monsieur de Mortsauf, nous ne pouvons sortir de Clochegourde. Par mon conseil, il a refusé le commandement auquel il avait le droit dans la Maison Rouge. Il nous suffit que mon père ait sa charge. Notre modestie forcée, dit-elle en souriant avec amertume, a déjà bien servi notre enfant. Le roi près duquel mon père est de service a dit fort gracieusement qu'il reporterait sur Jacques la faveur dont nous ne voulions pas. L'éducation de Jacques à laquelle il faut songer est maintenant l'objet d'une grave discussion. Il va représenter 2 maisons, les Lenoncourt et les Mortsauf. Je ne puis avoir d'ambition que pour lui. Voici donc mes inquiétudes augmentées. Non seulement Jacques doit vivre, mais il doit encore devenir digne de son nom, 2 obligations qui se contrarient. Jusqu'à présent, j'ai pu suffire à son éducation en mesurant les travaux à ses forces, mais d'abord, où trouver un précepteur qui me convienne, puis plus tard, quel ami me le conservera dans cet horrible Paris où tout est piégé pour l'âme et danger pour le corps? Mon ami, me dit-elle d'une voix émue, à voir votre front et vos yeux, qui ne devinerait en vous l'un de ces oiseaux qui doivent habiter les hauteurs? Prenez votre élan, soyez un jour le parrain de notre cher enfant. Allez à Paris. Si votre frère et votre père ne vous secondent point, notre famille, ma mère surtout, qui a le génie des affaires, sera certes très influente. Profitez de notre crédit. Vous ne me manquerez alors ni d'appui ni de secours dans la carrière que vous choisirez. Mettez donc le superflu de vos forces dans une noble ambition. Je vous entends, lui dis-je en l'interrompant. Mon ambition deviendra ma maîtresse. Je n'ai pas besoin de ceci pour être tout à vous. Non, je ne veux pas être récompensée de ma sagesse ici par des faveurs là-bas. J'irai, je grandirai seule, par moi-même. J'accepterai tout de vous. Des autres, je ne veux rien. Enfantillage, dit-elle en murmurant, mais en retenant mal un sourire de contentement. D'ailleurs, je me suis vouée, lui dis-je. En méditant notre situation, j'ai pensé à m'attacher à vous par des liens qui ne puissent jamais se dénouer. Elle eut un léger tremblement et s'arrêta pour me regarder. Que voulez-vous dire ? Fit-elle en laissant aller les deux couples qui nous précédaient et gardant ses enfants près d'elle. Eh bien, répondis-je, dites-moi franchement comment vous voulez que je vous aime. Aimez-moi comme m'aimait ma tante, de qui je vous ai donné les droits, en vous autorisant à m'appeler du nom qu'elle avait choisi pour elle parmi les miens. J'aimerai donc sans espérance, avec un dévouement complet. Eh bien oui, je ferai pour vous ce que l'homme fait pour Dieu. Ne l'avez-vous pas demandé? Je vais entrer dans un séminaire, j'en sortirai prêtre et j'élèverai Jacques. Votre Jacques sera comme un autre moi. Conception politique, pensée, énergie, patience, je lui donnerai tout. Ainsi, je demeurerai près de vous, sans que mon amour pris dans la religion, comme une image d'argent dans du cristal, puisse être suspecté. Vous n'avez à craindre aucune de ces ardeurs immodérées qui saisissent un homme et par lesquelles une fois déjà je me suis laissé vaincre. Je me consumerai dans la flamme et vous aimerai d'un amour purifié. » Elle pâlit et dit à mot pressé, « Félix, ne vous engagez pas en des lieux qui un jour seraient un obstacle à votre bonheur. Je mourrai de chagrin d'avoir été la cause de ce suicide. Enfant, un désespoir d'amour est-il donc une vocation? Attendez les épreuves de la vie pour juger de la vie. Je le veux, je l'ordonne. Ne vous mariez ni avec l'Église ni avec une femme. Ne vous mariez d'aucune manière. Je vous le défends. Restez libre. Vous avez 21 ans. À peine savez-vous ce que vous réserve l'avenir. Mon Dieu, vous aurais-je mal jugé? Cependant, j'ai cru que 2 mois suffisaient à connaître certaines âmes. Quel espoir avez-vous ? Lui dis-je en jetant des éclairs par les yeux. Mon ami, acceptez mon aide. Élevez-vous, faites fortune, et vous saurez quel est mon espoir. Enfin, dit-elle en paraissant laisser échapper à un secret, ne quittez jamais la main de Madeleine que vous tenez en ce moment. Elle était penchée à mon oreille pour me dire ces paroles qui prouvaient combien elle était occupée de mon avenir. « Madeleine ? » lui dis-je. « Jamais. » Ces 2 mots nous rejetèrent dans un silence plein d'agitation. Nos âmes étaient en proie à ces bouleversements qui les sillonnent de manière à y laisser d'éternelles empreintes. Nous étions en vue d'une porte en bois par laquelle on entrait dans le parc de Frapesle et dont il me semble encore voir les 2 pilastres ruinés, couverts de plantes grimpantes et de mousses, d'herbes et de ronces. Tout à coup, une idée, celle de la mort du comte, passa comme une flèche dans ma cervelle et je lui dis « Je vous comprends. »« C'est bien heureux, » répondit-elle d'un ton qui me fit voir que je lui supposais une pensée qu'elle n'aurait jamais. Sa pureté m'arracha une larme d'admiration que l'égoïsme de la passion rendit bien amère. En faisant un retour sur moi, je songeais qu'elle ne m'aimait pas assez pour souhaiter sa liberté. Tant que l'amour recule devant un crime, il nous semble avoir des bornes et l'amour doit être infini. J'eus une horrible contraction de cœur. « Elle ne m'aime pas, » pensais-je. Pour ne pas laisser lire dans mon âme, j'embrassai Madeleine sur ses cheveux. « J'ai eu peur de votre mère, » dis-je à la comtesse pour reprendre l'entretien. « Et moi aussi, » répondit-elle en faisant un geste plein d'enfantillage. « Mais n'oubliez pas de toujours la nommer Madame la Duchesse et de lui parler à la 3e personne. La jeunesse actuelle a perdu l'habitude de ces formes polies. Reprenez-les. Faites cela pour moi. D'ailleurs, il est de si bon goût de respecter les femmes, quel que soit leur âge, et de reconnaître les distinctions sociales sans les mettre en question. Les honneurs que vous rendez aux supériorités établies ne sont-ils pas la garantie de ceux qui vous sont dus ? Tout est solidaire dans la société. Le cardinal de la Rovère et Raphaël d'Urbain étaient autrefois deux puissances également révérées. Vous avez sucé dans vos lycées le lait de la Révolution, et vos idées politiques peuvent s'en ressentir. Mais en avançant dans la vie, vous apprendrez combien les principes de liberté mal définis sont impuissants à créer le bonheur des peuples. Avant de songer, en ma qualité de Lenoncourt, à ce qu'est ou ce que doit être une aristocratie, mon bon sens de paysanne me dit que les sociétés n'existent que par la hiérarchie. Vous êtes dans un moment de la vie où il faut choisir bien. Soyez de votre parti. Surtout, ajouta-t-elle en riant, quand il triomphe. Je fus vivement touchée par ces paroles, où la profondeur politique se cachait sous la chaleur de l'affection, alliance qui donne aux femmes un si grand pouvoir de séduction. Elles savent toutes prêter aux raisonnements les plus aigus les formes du sentiment. Il semblait que dans son désir de justifier les actions du comte, Henriette eut prévu les réflexions qui devaient sourdre en mon âme au moment où je vis pour la première fois les effets de la courtisanerie. Monsieur de Mortsauf, roi dans son castel, entouré de son auréole historique, avait pris à mes yeux des proportions grandioses, et j'avoue que je fus singulièrement étonnée de la distance qu'il mit entre la duchesse et lui par des manières au moins obséquieuses. L'esclave a sa vanité, il ne veut obéir qu'au plus grand des despotes. Je me sentais comme humiliée de voir l'abaissement de celui qui me faisait trembler en dominant tout mon amour. Ce mouvement intérieur me fit comprendre le supplice des femmes de qui l'âme généreuse est accouplée à celle d'un homme de qui elles enterrent journellement les lâchetés. Le respect est une barrière qui protège également le grand et le petit. Chacun de son côté peut se regarder en face. Je fus respectueux avec la duchesse à cause de ma jeunesse. Mais là où les autres voyaient une duchesse, je vis la mère de mon Henriette et mis une sorte de sainteté dans mes hommages. Nous entrâmes dans la grande cour de Frapesle, où nous trouvâmes la compagnie. Le comte de Mortsauf me présenta fort gracieusement à la duchesse, qui m'examina d'un air froid et réservé. Madame de Lenoncourt était avec une femme de 56 ans, parfaitement conservée et qui avait de grandes manières. En voyant ses yeux d'un bleu dur, ses tempes rayées, son visage maigre et macéré, sa taille imposante et droite, ses mouvements rares, sa blancheur fauve qui se revoyait si éclatante dans sa fille, je reconnus la race froide d'où procédait ma mère, aussi promptement qu'un minéralogiste reconnaît le fer de Suède. Son langage était celui de la vieille cour. Elle prononçait les « oies » en « ai » et disait « frais » pour « froid », porteux au lieu de porteur. Je fus ni courtisan ni gourmet. Je me conduis si bien qu'en allant à Vêpres, la comtesse me dit à l'oreille « Vous êtes parfait ». Le comte vint à moi, me prit par la main et me dit « Nous ne sommes pas fâchés, Félix. Si j'ai eu quelque vivacité, vous les pardonnerez à votre vieux camarade. Nous allons rester ici probablement à dîner et nous vous inviterons pour jeudi, la veille du départ de la duchesse. Je vais à Tours y terminer quelques affaires. Ne négligez pas Clochegourde. Ma belle-mère est une connaissance que je vous engage à cultiver. Son salon donnera le ton au faubourg Saint-Germain. Elle a les traditions de la grande compagnie. Elle possède une immense instruction, connaît le blason du premier comme du dernier gentilhomme en Europe. Le bon goût du comte, peut-être les conseils de son génie domestique, se montrèrent dans les circonstances nouvelles où le mettait le triomphe de sa cause. Il n'eut ni arrogance, ni blessante politesse. Il fut sans emphase, et la duchesse fut sans air protecteur. Monsieur et madame de Chessel acceptèrent avec reconnaissance le dîner du jeudi suivant. Je plus à la duchesse, et ce regard m'apprit qu'elle examinait en moi un homme de qui sa fille lui avait parlé. Quand nous revînmes de Vêpres, elle me questionna sur ma famille et me demanda si le Vandenesse, occupé déjà dans la diplomatie, était mon parent. Il est mon frère, lui dis-je. Elle devint alors affectueuse à demi. Elle m'apprit que ma grand-tante, la vieille marquise de Listomère, était une Grandlieu. Ses manières furent polies comme l'avaient été celles de M. de Mortsauf le jour où il me vit pour la première fois. Son regard perdit cette expression de hauteur par laquelle les princes de la terre vous font mesurer la distance qui se trouve entre eux et vous. Je ne savais presque rien de ma famille. La duchesse m'apprit que mon grand-oncle, vieil abbé que je ne connaissais même pas de nom, faisait partie du conseil privé. Mon frère avait reçu de l'avancement. Enfin, par un article de la charte que je ne connaissais pas encore, mon père redevenait marquis de Vandenesse. « Je ne suis qu'une chose, le cerf de Clochegourde, » dis-je tout bas à la comtesse. Le coup de baguette de la Restauration s'accomplissait avec une rapidité qui stupéfiait les enfants élevés sous le régime impérial. Cette révolution ne fut rien pour moi. La moindre parole, le plus simple geste de Madame de Mortsauf étaient les seuls événements auxquels j'attachais de l'importance. J'ignorais ce qu'était le conseil privé. Je ne connaissais rien à la politique ni aux choses du monde. Je n'avais d'autres ambitions que celle d'aimer Henriette mieux que Pétrarque n'aimait Laure. Cette insouciance me fit prendre pour un enfant par la duchesse. Il vint beaucoup de monde à Frapesle, nous y fûmes 30 personnes à dîner. Quel enivrement pour un jeune homme de voir la femme qu'il aime être la plus belle entre toutes, devenir l'objet de regards passionnés et de se savoir seul à recevoir la lueur de ses yeux chastement réservés, de connaître assez toutes les nuances de sa voix pour trouver dans sa parole, en apparence légère ou moqueuse, l'épreuve d'une pensée constante, même quand on se sent au cœur une jalousie dévorante contre les distractions du monde. Le comte, heureux des attentions dont il se vit l'objet, fut presque jeune. Sa femme en espéra quelques changements d'humeur. Moi, je riais avec Madeleine, qui, semblable aux enfants chez lesquels le corps succombe sous les étreintes de l'âme, me faisait rire par des observations étonnantes et pleines d'un esprit moqueur, sans malignité, mais qui n'épargnait personne. Ce fut une belle journée. Un mot, un espoir né le matin avait rendu la nature lumineuse. Et me voyant si joyeux, Henriette était joyeuse. Ce bonheur, à travers sa vie grise et nuageuse, lui sembla bien bon, me dit-elle le lendemain.